Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Introduction à l'évangile de Jean. Christ a appelé ses disciples à être ses témoins. Il n'a pas écrit l'histoire de sa vie lui-même et il n'a envoyé aucune lettre aux églises. Mais sa personnalité fit une grande impression sur le cœur de ses disciples qui furent conduits à glorifier leur Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ils virent dans son amour, son humilité, sa mort et sa résurrection une gloire comme la gloire unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Tandis que les évangélistes Matthieu, Marc et Luc expliquent les paroles et les actions de Jésus et le royaume de Dieu comme but de sa venue, Jean nous révèle la personne intime de Jésus et de son amour saint. C'est pourquoi l'évangile de Jean est considéré comme le principal évangile, couronne de tous les livres de la Sainte Bible. Qui est l'auteur de cet évangile? Au IIe siècle, les pères de l'Église reconnurent que Jean, le disciple de Jésus, était l'auteur de ce livre unique. L'évangéliste Jean mentionna les noms de plusieurs apôtres, sans toutefois mentionner le nom de son frère Jacques, ni le sien, car il ne se considérait pas digne d'être cité en même temps que son Seigneur et Sauveur. Cependant, Irénée, évêque de Lyon en France, déclara que Jean, le disciple du Seigneur, celui qui s'était couché sur son sein lors du dernier repas, était bien celui qui avait écrit cet évangile alors qu'il servait à Éphèse sous le règne de l'empereur Trajan de 98 à 117 après Jésus-Christ. Certains critiques pensent que Jean, l'auteur de cet évangile, n'était pas le disciple qui accompagnait Jésus, mais l'un des anciens de l'église d'Éphèse, disciple de l'apôtre Jean, et que cet évangile fut écrit plus tard. Ces critiques sont des rêveurs. Ils ne connaissent pas l'esprit de vérité qui ne ment pas, parce que l'apôtre Jean s'est impliqué dans l'affirmation lorsqu'il dit « Et nous avons contemplé sa gloire. Il fut en fait l'un des témoins oculaires de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. » Ce sont les amis de Jean qui ont conclu son évangile en disant « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. » Jean 21, 24. Ils ont souligné les caractéristiques de Jean qui le distinguent des autres apôtres, à savoir que Jésus l'aimait et le laissa reposer sur sa poitrine pendant la première sainte communion. Jean fut le seul qui ait osé demander à Jésus le nom du traître. « Seigneur, qui est-ce? Qui va te livrer ?» Jean 13, 25. Jean, le fils de Zébédée et Salomé, était un jeune homme lorsque Jésus l'appela à le suivre. Il était le plus jeune des 12 apôtres. C'était un pêcheur, vivant avec sa famille à Bethsaïda au bord du lac de Tibériade, avec Pierre, André, son frère Jacques, Philippe et Nathanaël. Il descendit la vallée du Jourdain pour aller à la rencontre de Jean-Baptiste, qui appelait à la repentance. Jean demanda pardon et fut baptisé par le Baptiste dans le Jourdain. Il se peut qu'il ait été un parent de la famille du grand prêtre Anne, car ce dernier le connaissait et il avait le droit d'entrer dans le palais. Ainsi, il était proche d'une famille sacerdotale, ce qui lui permit de mentionner dans son évangile des choses que les autres évangélistes n'ont point rapportées, comme par exemple ce que le Baptiste avait dit sur Jésus, à savoir qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est le disciple qui perçut le mieux son Seigneur Jésus dans son amour. La relation entre Jean et les 3 autres évangélistes. Au moment où Jean écrit son évangile, les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc avaient déjà été écrits, et ils étaient connus dans l'Église depuis un certain temps. Les 3 évangélistes ont écrit leur livre sur la base d'un texte hébreu original dans lequel Matthieu avait réuni les témoignages des apôtres concernant les paroles de Jésus afin qu'elles ne se perdent pas. Vu que les années passaient et que le Seigneur ne revenait toujours pas, les actions de Jésus et les événements de sa vie furent probablement rapportés dans une collection séparée. Les évangélistes veillèrent à transmettre ses écrits avec fidélité. Luc, le médecin, s'appuya également sur d'autres sources, puisqu'il rencontra Marie, la mère de Jésus, et différents témoins oculaires. Jean est cependant une source importante en plus des sources mentionnées plus haut. Il a évité de répéter les récits et les paroles déjà connues dans l'Église, et en a ajouté d'autres. Alors que les 3 premiers évangiles rapportent les actes de Jésus dans la région de Galilée, en ne mentionnant qu'un seul voyage de Jésus à Jérusalem, celui où il trouva la mort. Le quatrième évangile nous montre que Jésus se rendit à Jérusalem pendant et après son ministère en Galilée. Jean nous certifie que Jésus visita trois fois la capitale de son pays, où les chefs de sa nation le rejetèrent. Après s'être opposés à lui, à maintes reprises, ils le livrèrent pour être crucifié. C'est Jean qui nous a fait connaître le ministère de Jésus parmi les Juifs de Jérusalem, le centre de la culture de l'Ancien Testament. Le quatrième évangéliste n'accorda pas d'importance au miracle de Jésus, n'en mentionnant que six. Qu'a donc voulu nous transmettre Jean? Il a rapporté les paroles de Jésus dans le style de celui qui dit « Je suis ». C'est ainsi qu'il expliqua la personnalité de Jésus. Les trois premiers évangélistes se concentrèrent sur les actes et la vie de Jésus, mais Jean se concentra plus particulièrement sur la présentation de la personne de Jésus dans sa gloire. Mais de quelle source Jean a-t-il bénéficié? Où a-t-il trouvé des paroles qui ne se trouvent pas chez les autres? Et lesquelles Jésus a-t-il dites sur lui-même? Ce fut le Saint-Esprit qui les lui rappela après la première Pentecôte. Car Jean lui-même confessa à plusieurs reprises que les disciples n'avaient compris la vérité de certaines paroles de Jésus qu'après la résurrection et l'effusion du Saint-Esprit. Il saisit ainsi plus tard la signification des paroles que Jésus avait dites sur lui-même et qui contenaient la phrase « Je suis ». Elles sont une caractéristique distinctive de cet évangile unique. Jean mentionne aussi les paroles que Jésus avait prononcées en utilisant des oppositions, comme la lumière et les ténèbres, l'esprit et le corps, la vérité et le mensonge, la vie et la mort, aussi bien que l'expression « être d'en haut et d'en bas ». Ces contraires n'existent pratiquement pas dans les autres évangiles. Mais quelques années plus tard, le Saint-Esprit rappela les paroles du Seigneur à Jean alors que ce dernier vivait dans une région sous influence grecque. L'évangéliste comprit que Jésus avait non seulement utilisé la langue sémitique appartenant à une forme d'hébreu, mais aussi le grec pour les nations. Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 60513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.